Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons commencer en compagnie de Marie-France Sautil qui, lors de sa dernière visite à l'émission, nous avait parlé de l'acupuncture et elle nous disait que l'acupuncture ne guérissait pas vraiment plus qu'un effet placebo. Mais l'effet placebo, en fait, est-ce que ça marche? Alors, comme Marie-France a de la suite dans les idées, elle va nous en dire aujourd'hui un peu plus sur cet effet placebo. Bonjour Marie-France. Merci Valérie. Tout d'abord, peut-être pour mettre les choses un petit peu en place, est-ce qu'on peut définir, est-ce qu'il existe une définition de l'effet placebo? Absolument. Alors formellement, c'est l'amélioration de l'état de santé sans intervention d'un produit actif ou d'un traitement réel. D'ailleurs, l'origine du mot latin placebo, c'est « je vais plaire ». Ah. L'effet placebo peut être provoqué par une fausse pilule, ça c'est ce qu'on connaît le mieux, qui est souvent faite en sucre d'ailleurs, ou un faux traitement, une fausse psychothérapie, ou même une fausse opération chirurgicale. Mm-hmm. L'effet peut être aussi produit par la réputation ou le caractère du thérapeute, c'est-à-dire son empathie, son côté mm-hmm. réconfortant ou même persuasif, ou encore par son approche, le dialogue, les conseils, le temps consacré au patient, tout ça peut améliorer la guérison. L'attitude du patient aussi joue sur l'effet placebo, s'il est confiant, ouvert, positif mm-hmm. face à ce qui lui est proposé, s'il croit au traitement, si la guérison peut même être favorisée par l'envie du patient de faire plaisir à son thérapeute, mm-hmm. c'est-à-dire ouais. pour valider le traitement, il peut encourager sa guérison. Ouais. Sans... Et là, on voit que toute l'interaction entre patient et thérapeute est vraiment importante là. Absolument. Et puis, même l'effet placebo peut être influencé par le contexte, l'ambiance, le décor du lieu où on le reçoit, la musique, mm-hmm. les instruments ou la technologie utilisée, l'apparence du médicament, son emballage, mm-hmm. sa forme, son goût, même la voie d'administration, si c'est une injection, si c'est un suppositoire, si c'est une mm-hmm. pilule. On a même remarqué que quand le patient participe au traitement, c'est-à-dire qu'il compte les granules ou les gouttes, ah oui. ça favorise aussi l'effet placebo. Puis le plus étonnant, c'est que même quand on n'est pas au courant qu'on avale un placebo ou qu'on est traité par un placebo, on peut quand même avoir un effet de guérison. Ah oui, ça c'est vraiment surprenant. Oui. Mais en fait, est-ce qu'on cet effet placebo, on le connaît depuis longtemps? Ça fait longtemps qu'on a remarqué cet effet-là? Bien, le nom est arrivé un peu plus tard, mais dès le 16e siècle, on avait noté que le simple fait de mimer un acte médical favorisait la guérison, ou du moins diminuait les symptômes. Mm-hmm. Deux siècles plus tard, vers 1800, l'effet placebo a été décrit plus formellement. C'est un épidémiologiste britannique, John Haygarth, qui assiste à une présentation d'un médecin américain, M. Perkins. Mm-hmm. Il avait mis au point, puis breveté, des baguettes métalliques d'un alliage spécial. Les baguettes guérissaient tout, mm-hmm. soi-disant. Alors, l'épidémiologiste Haygarth était intrigué par les baguettes miracles. Il les teste sur deux groupes de malades. Donc, un groupe vraiment testé avec ces fameuses ouais. baguettes magiques de Perkins, et l'autre avec des baguettes en bois, mm-hmm. donc un genre de leurre, si on veut. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a obtenu le même taux de guérison chez les deux groupes de malades. Mm-hmm. On a évidemment mis à jour la supercherie des baguettes de Perkins. Ouais. Puis, on a décrit le phénomène formellement dans un ouvrage qui était intitulé « L'effet placebo », donc première mention de ce mot-là. Deux points, de la curieuse influence de l'imagination sur les fonctions du corps humain. C'est intéressant déjà le titre, l'influence de l'imagination. Et en fait, je parle d'imagination là, mais est-ce qu'on sait comment fonctionne réellement l'effet placebo? Est-ce que c'est juste une histoire d'imagination? Ah non, absolument pas, c'est mesurable. Le cerveau sécrète de la dopamine et puis des endorphines mm-hmm. quand il est bien conditionné avec toutes les circonstances que je vous énumérais ouais. au début. Et puis ces deux opioïdes que je viens de mentionner diminuent l'anxiété, produisent du bien-être puis calment la douleur. Ah, donc voilà. Ça, ce sont des effets réels. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a quand même une cause, un effet biologique, physiologique. Ça, oui. On ne fait pas que inventer, que imaginer. Non. D'accord. Mais en fait, est-ce que tout le monde aussi peut profiter de cet effet placebo? Profiter ou du moins en ressentir. ce serait vraiment génial. Mais on estime qu'en moyenne, L'effet se manifeste chez 15 à 35% des patients. Il y a des pathologies qui peuvent aller un peu plus haut, là, 70% dans le cas, je crois, des céphalées, là, des migraines. Mais l'intensité varie d'un individu à l'autre. Mm-hmm. On a découvert qu'il y avait au moins un gène du cerveau qui était impliqué, le COMT. Mm-hmm. Il est déterminant dans la réponse en dopamine, c'est-à-dire l'effet placebo se calcule, si on veut, en quantité de dopamine sécrétée. Mm-hmm. Et ça, c'est sécrété dans le cortex préfrontal. Mm-hmm. Puis, on a remarqué qu'il y avait trois variants de ce gène COMT, puis que chacun porte un des variants. Mm-hmm. Et dépendant duquel on a, bien, on a plus ou moins de réactions, c'est-à-dire plus ou moins de dopamine sécrétée dans le cortex. Et on a remarqué que le cortex préfrontal, ça, comme par hasard, c'est la zone où on a l'apprentissage, la personnalité, la prise de décision, c'est le vrai comportement social. Alors, on a fait un lien qui, mm-hmm, avec la relation médecin-patient. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être là que ce serait... Le siège du placebo, peut-être. Voilà, peut-être le déclencheur, mm-hmm, se trouve là. Mm-hmm. Donc, ça marche pas, comme tu disais, ça marche pas pour tout le monde, selon qu'on soit, entre autres, porteur de ce gène, et il y a peut-être d'autres conditions aussi. Mais est-ce que ça marche pour tous les médicaments? Bien sûr. Et mm-hmm, puis, c'est la beauté de la chose. C'est-à-dire que quand on soigne un patient avec une médication réelle, l'effet placebo s'ajoute à celui du médicament. Ah oui. Je vous donne un exemple. Si vous avalez une aspirine pour un mal de tête, et puis que après déjà une minute, vous avez un effet de bien-être, ou en tout cas une amélioration, un apaisement de la douleur, ben c'est d'abord le placebo qui agit. Ouais. C'est votre conditionnement à la croyance que vous avez que l'aspirine va vous faire du bien. Puis évidemment, le médicament agit vraiment par la suite là, pour calmer d'autres symptômes. Ouais, parce qu'en une minute, là, l'effet du médicament, ça n'a pas pu être métabolisé, etc. Là, il n'y a pas encore, c'est trop tôt, mais d'accord. C'est ça. Ouais. Et l'effet placebo est systématiquement pris en considération quand on teste des nouveaux médicaments, puisqu'on sait que ça peut agir. Alors, on évalue d'abord la véritable efficacité en mesurant la différence entre les résultats du groupe contrôle, mm-hmm, ceux qui sont faussement soignés, si on veut, puis les résultats de ceux qui ont vraiment avalé le médicament ou le traitement. Alors, c'est la différence entre ces deux groupes-là qui qualifie l'efficacité. Du traitement, d'accord. Mm. Donc, il y a un effet placebo. Mais ça ne veut pas dire que cet effet placebo va permettre de guérir à lui seul toutes les maladies, ou même que s'il permet de guérir une maladie, qu'il va la guérir complètement. Il va peut-être apaiser ou participer à l'apaisement, mais ça ne va pas forcément permettre de la guérir entièrement. Puis on ne peut pas dire non plus que c'est un effet permanent. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. L'effet placebo, effectivement, peut rien contre un cancer généralisé ou un poumon perforé, mais peut soulager... Mm-hmm. temporairement, des nausées, des douleurs, la dépression même, de l'anxiété, des ulcères, des palpitations, de la fatigue, de l'essoufflement, des allergies, enfin j'en passe. Toutes les pathologies en fait qui ont une charge émotionnelle et dont la part psychosomatique est grande. Mm-hmm. On peut aussi prévenir certaines maladies avec l'effet placebo. Par exemple, en situation de stress prolongé, le système immunitaire est affaibli. Mm-hmm. Ça, c'est une observation prouvée. Puis, quand on se défend moins bien contre les virus, bien, on peut tomber malade de plein de choses. Mais de baisser le stress avec un placebo, bien, ça renforce le système immunitaire, donc ça prévient la santé. Mm-hmm. Exactement, c'est vrai. Et est-ce qu'inversement, un placebo peut avoir un effet négatif? Oui, on appelle ça un nocebo. Ah. N-O-C-E-B-O. Mm-hmm. Par définition, c'est une détérioration de l'état de santé sans intervention d'un traitement réel. Mm. C'est-à-dire qu'on provoque la maladie. On se rend malade sans avoir d'intervention. Alors, comment ça marche? Bien, par exemple, si je vous dis ce médicament peut vous occasionner des effets secondaires indésirables, bien, il se pourrait que vous les... encourager. Par autosuggestion, exactement. Comme ça. Le pouvoir du mental, comme on dit. Là. D'accord. Donc, cette autosuggestion, ça va peut-être marcher pour l'effet bénéfique, mais aussi pour les effets secondaires. C'est ça. Alors, il faut avoir une disposition positive quand on est malade. Là. C'est un peu ça, la conclusion. C'est ça, exactement. Il faut regarder les choses positivement. Et en fait, est-ce que, donc, malgré que, donc, c'est ces effets placebo puissent avoir des effets à la fois positifs mais aussi négatifs. Est-ce qu'on l'utilise quand même en médecine? Bien, comme je vous expliquais, pour tester l'efficacité des médicaments, ah oui. ça va de soi. On peut aussi le présenter volontairement à un patient quand on sait qu'un médicament peut avoir énormément d'effets secondaires. Autrement dit, que la pathologie serait soignée, mais qu'il y aurait trop d'effets négatifs. Alors, on donne parfois un placebo, mais on avertit le patient. Alors, c'est pas une supercherie, une tromperie. Là. Puis, à l'opposé, il y a des médecines douces ou alternatives où on prévient pas le patient, on le fait payer pour des faux traitements. Là, c'est un peu moins éthique. J'ai en tête l'acupuncture, l'homéopathie, la chiropractie, les massages, l'irrigation du côlon et bien d'autres. Alors, ces médecines-là sont considérées comme trompeuses par la science. On va même parfois plus loin là, dans la supercherie. On diagnostique faussement certaines maladies pour prolonger inutilement un traitement. Ah, ben oui, ben oui. Alors, il faut rappeler que l'expérimentation, la méthode scientifique, c'est nécessaire pour déterminer si une méthode est vraiment efficace. Mm-hmm. Mais la plupart des praticiens de médecine parallèle, si on veut, veulent pas nécessairement savoir si leur traitement est un placebo, puis leurs patients non plus d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ils veulent y croire aussi. Et même si on ne sait pas tout ça, si on sait tout ça, ces médecines douces continuent d'exister. Ben, l'humain a une propension à prendre ses désirs pour ses réalités, à chercher des réponses positives quand il s'attend à une amélioration. Et on a tous besoin, scientifique ou pas, d'être réconforté, d'avoir de la bienveillance quand on est malade. Mm-hmm. Alors, les médecines alternatives... d'ailleurs, sont exemplaires au chapitre de l'écoute puis de l'empathie. Là. C'est ce qui manque peut-être d'ailleurs dans les médecines conventionnelles. Absolument. Et puis, une autre raison qui fait que les médecines douces se perpétuent, c'est que on a tendance à qualifier ce qui est naturel de nécessairement bon. Et à l'inverse de ce qui est synthétique ou de laboratoire, de mauvais. Bon, peut-être par méconnaissance de la chimie synthétique, là, mais... les problèmes avec les produits naturels, c'est qu'ils sont rarement testés, homologués. Alors, on ne peut pas vérifier leur efficacité réelle. Le patient lui-même ne dispose d'aucune documentation pour prendre une bonne décision. Et étant donné que ces médecines sont douces, on pourrait cependant penser qu'on n'a rien à craindre de ces médecines, à part une dépense peut-être, un trou dans notre porte-monnaie. Il y a quand même quelques dangers associés à des médecines placebo, si vous me prêtez l'expression. Les patients peuvent devenir accros, croire que leur maladie ne peut être guérie que par un traitement spécifique ou prodigué par un praticien précis. L'autre danger, c'est que quand on se fait soulager nos symptômes, ça peut masquer une pathologie qui s'aggrave, retarder des vrais traitements et puis même avoir des dommages irréversibles parce qu'on attend on a trop attendu. C'est ça. Alors la leçon à retenir, c'est que les médecines non contrôlées, non réglementées, ça apaise, temporairement du moins, mais ça ne devrait pas être utilisé en remplacement de la médecine moderne. Ouais, c'est ça. Qui est basée sur des preuves rigoureuses. Ou alors il faut que les médecines douces fassent leur devoir avec des études scientifiques rigoureuses, mais on les attend. Voilà. En tout cas, merci Marie-France, pour ces éclaircissements sur l'effet placebo. Et après la pause musicale sur ces KRL au 89.1, eh bien, nous serons justement avec Marie-Claude Dionne et elle nous parlera des inégalités sociales à la préhistoire.